Gaston Charles Richard. Une enquête d'Elsa, détective privée. Battleship. Chapitre 1. Malgré la guerre, et bien qu'un grand nombre de franches canailles se fussent engagées, pour voler des poules en même temps qu'au secours de la Belgique, comme l'avait dit assez drôlement un humoriste français, la criminalité n'avait guère diminué à Londres. Et bien en avait pris à Elsa de retourner en Angleterre après le succès remporté par elle sur Von Bissing. Car jamais, jusque-là, on n'avait tant fait appel à ses facultés et à sa chance, devenue quasi légendaire. Mais, en général, les affaires dont on l'a chargé de débrouiller l'imbroglio n'offraient qu'un intérêt assez médiocre. Nous n'en retiendrons qu'une parmi toutes celles de la série 1916-1919, car elle eut un certain retentissement dramatique, en ce sens que la brillante carrière d'Elsa Van Leggels en faillit bien être interrompue à tout jamais. Dans son métier, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, Elsa avait toujours eu plus ou moins de bonheur. On savait que la veine lui était fidèle, qu'elle était habile et qu'elle ne sentait pas les couloirs de Scotland Yard. En cela, on reconnaissait ses qualités précieuses de femme du monde. En outre, et bien qu'on eût souvent essayé de la faire parler, sa discrétion donnait confiance à ceux qui l'employaient, car on ne venait à elle que sur recommandation et ses meilleurs agents de publicité étaient ses clients. Un beau matin de 1917, au mois de mai, Elsa apprit par les journaux que l'on avait, dans la cité, cambriolé les bureaux de la succursale d'une banque importante qui s'était fait une spécialité d'avances à court terme pendant la période de guerre, non sur le crédit d'une maison de commerce, mais sur nantissement réel. Titres, immeubles, valeurs au porteur, objets d'art, valeurs nominatives, joyaux, pierreries, etc. Précisément, un lapidaire connu, pour faire face à une grosse échéance, avait sollicité de la succursale de cette banque un prêt immédiat de 4 000 livres, nanti sur un lot de pierreries sur papier, parmi lesquelles figurait un diamant vert d'une eau parfaite en forme de larme et deux perles en poire, rose, irréprochable, à parier à grand-peine, car la recherche de la seconde avait coûté 10 ans de labeur au meilleur courtier londonien. Perles roses et diamants verts valaient à eux seuls plus de 3 000 livres. On les avait volées avec le reste du lot, une dizaine de petites pierres, mais les voleurs avaient travaillé avec si grande hâte qu'ils ne s'étaient pas aperçus de la présence d'une liasse enveloppée de journaux, de titres aux porteurs et de banknotes dont la valeur dépassait 125 000 livres. En lisant que la brigade spéciale criminelle de Scotland Yard enquêtait sur l'affaire, Elsa fit la moue. Elle savait que cette brigade fameuse avait perdu tous ses meilleurs hommes, partis pour servir sur le continent comme police master aux armées. Ceux qui étaient restés montraient autant de courage que de bonne volonté et même d'intelligence. Mais ce n'est pas à cheval qu'on chasse la bécassine. Et tout l'arroi de Scotland Yard, mis à la disposition de ses novices, ne servait guère qu'à effaroucher le gibier, surtout quand la presse s'en mêlait. « Encore une affaire qui va me revenir », pensa la jeune femme. Elle ne se trompait pas, mais ce ne fut qu'un mois plus tard qu'on vint à elle, alors que toutes les pistes étaient brouillées, les empreintes effacées, le gibier terré. Ce fut plus par curiosité de voir où cela la mènerait que par intérêt que la policewoman consentit à se charger de l'affaire. Elle ne se doutait pas, alors, qu'elle provoquerait en même temps une mort violente, un suicide et une pendaison par jugement de la cour criminelle. Chapitre 2. Tout ce que l'on savait de l'affaire était que les voleurs, entrés dans la banque par une lucarne du toit, avait découpé un panneau du coffre-fort à l'aide d'une scie circulaire, laquelle avait été mise en action par un petit moteur électrique portatif auquel l'énergie nécessaire avait été fournie par la banque elle-même. Les circonstances, d'ailleurs, avaient favorisé les bandits. En général, un vigile sûr et bien armé veillait sur les dépôts précieux. Mais depuis une semaine, le pauvre homme était malade et on ne l'avait pas remplacé. Ensuite, un incendie assez proche avait détourné l'attention des policemen qui, au cours de leur ronde, veillaient sur la banque. Enfin, à coup sûr, l'un des coquins, on avait déduit de leurs traces qu'ils devaient être deux et peut-être trois, était fort bien renseigné sur les êtres et coutumes de la maison. Tout cela n'était guère encourageant, mais encore une fois, et bien que le bénéfice pécuniaire qu'elle en dut retirer ne fût pas important, Elsa se mit en campagne pour voir où cela l'amènerait. Des renseignements recueillis par ses prédécesseurs, des photos prises par le service de l'identification criminelle, il résultait que l'un des hommes devait être jeune, mince, agile, plutôt grand. La faible trace sur le coffre-fort de trois doigts révélait une main longue et fine, probablement étroite. L'empreinte d'un pied nu sur un tabouret poussiéreux était de la même nature et devait avoir laissé par le même individu. C'était peu. C'était quelque chose tout de même. Scotland Yard, sur ses indices, avait recherché le ou les voleurs. Elsa rechercha les joyaux volés. Et 10 jours après que les volés lui se confiaient le soin de retrouver leurs biens, la jeune femme découvrait que l'une des perles roses avait été engagée chez un prêteur sur gage de la Handitch, c'est-à-dire du ghetto de Londres. Ce n'était pas en pure perte qu'Elsa, à Amsterdam, avait été mise en pension avec de jeunes Israélites. La Hollande ne connaît guère la passion antisémitique. Et parmi ses compagnes, la jeune fille comptait nombre de juives qui, en arrivant là, ne comprenaient que le yiddish. Elle venait de Francfort, de Bâle, de Vienne, de Budapest, de Maastricht, de Rotterdam, de Dordrecht, voire de Zagreb, de Cracovie ou de Salonique, où sont de puissantes communautés judaïques. Et naturellement polyglotte, Elsa avait rapidement appris le jargon yiddish et le judéo-espagnol en servant de guide et de monitrice aux nouvelles. Son physique même, ses cheveux noir-bleus, ses larges yeux orientaux, son nez aquilin, son teint ambré, lui permettaient souvent de se donner pour juive. Sa spécialité de recherche de pierreries et de bijoux volés, ses réelles connaissances lapidaires, sa discrétion même, l'avaient mise en relation avec nombre de brocanteurs, de marchands. Ce fut chez l'un d'eux, un Viennois, du nom de Franz Blumenthal, qu'elle découvrit la perle parmi les spécialités occasionnelles. Elle n'ignorait pas que, dans ce monde un peu particulier, l'euphémisme de spécialités occasionnelles désignait les objets, bijoux ou pierreries, dont la provenance exposait leur acheteur à quelques petits ennuis, au cas où on les trouvait en leur possession. Il était naturellement d'usage, dans ce monde, de ne jamais dire de qui l'on tenait ses spécialités. « J'achèterais volontiers cette perle, » dit Elsa, « et si vous me trouviez sa pareille, Blumenthal, je la paierais 250 livres. »« Vous n'êtes pas difficile, » fit le juif, « une paire pareille vaudrait 2000 livres comme mon œil. »« 500 livres, ça ne serait pas payé, voyons. »« Vous en connaissez une seconde, » fit Elsa. On pourrait la chercher, peut-être bien. Et la trouver, peut-être bien aussi. Mais il faudrait compter 1000 livres pour la seconde et 600 pour celle-ci. Vous êtes fou! Ma cliente ne paiera jamais ça. Avec ça, qu'on ne doit pas pouvoir les porter en Angleterre, vos perles. Puis, comme frappée par un subit ressouvenir, elle se prit le front dans sa main et dit à mi-voix « J'y suis, je la reconnais. » « Et vous devez avoir l'autre, Mr. Blumenthal. Ce sont les perles de la banque. »« Mais taisez-vous donc !» grogna le vieil homme. « Il y a 1000 livres de prime à gagner pour qui ferait pincer les gars, vous savez. Surtout si vous savez où est le diamant, » dit Elsa. « Possible, mais je ne vends pas mes hommes. Si je le faisais, je serais mort avant 6 mois. Et vous aussi si vous vous en mêlez, ma belle enfant. » « Mais si, au contraire, poursuivit le juif, vous achetez cette perle que voilà, je pourrais vous adresser à quelqu'un qui sait où est l'autre. Mais c'est tout ce que je puis faire. » Après d'âpres débats, des cris, des injures même, Elsa emporta la perle pour 400 livres. « Je ne connais pas le nom véritable de l'homme qui sait où est l'autre, » dit enfin le vieux Blumenthal. « Mais je crois qu'on l'appelle Battleship. » C'est un ancien matelot, boxeur, lutteur, méchant comme un diable. Il doit avoir 40 ans. Il est brun, plutôt petit, trapu, carré comme un coffre. Il est habillé d'un costume à carreaux, moutardé brun, avec des rayures rouges, d'un cache-nez à club, noir, vert, blanc et jaune. Une casquette ou un chapeau gris. Plus méfiant qu'un chat borgne. Vous le trouverez par là, dans les tavernes du quartier des Docks, à l'éléphant ou à la femme sauvage, ou chez Patrick, vous savez. Et gare à ses poings, ils sont gros comme une tête d'enfant. Elsa quitta la place fort pensive, car le signalement du vendeur des perles ne correspondait guère à celui du cambrioleur qui, selon elle, les aurait volées. Chapitre 3. Un mois durant, jour par jour, Elsa chercha Battleship. Tour à tour marchande de journaux, de tabac, de boissons glacées, chanteuse ambulante, grattant une aigre guitare et s'égosillant parmi la fumée, les crachats, les bousculades, les injures même, inlassablement, elle alla de cabaret en taverne, de bouge clandestin en bal particulier où l'on se pressait en foule et qui était donné dans des caves. Le tout en vain, car Battleship demeurait introuvable. Partout, elle retrouvait sa trace, partout elle rencontrait des hommes ou des femmes qui avaient eu plus ou moins à souffrir de cette brute vindicative, mais nulle part, elle ne pouvait mettre la main sur l'ancien matelot. Un soir, elle s'en plaignit assez amèrement à Blumenthal. « Vous m'avez fait faire une sale affaire, père Blum, » dit-elle avec rancune. « Je perds mon temps, je perds l'intérêt de mon argent, je perds des affaires, j'accumule le manque à gagner. Et tout cela parce que je ne peux pas mettre la main sur cette rosse d'homme-là. Donnez-moi 50 livres et je vous le ferai trouver, » dit Blumenthal. « 50 livres, tu peux bien mourir le bec ouvert et le nez dedans, » cria Elsa, jouant la colère. « Que j'aille un peu porter ta perle et ton nom où je sais, et tu verras si les mouches de Scott, les policiers de Scotland Yard, seront te piquer aux bons endroits pour te faire parler. » La dispute continua longtemps. Enfin, Elsa lâcha 20 livres, puis 5 encore. « Soyez ici demain à 6 heures du soir, » dit Blumenthal. « Ça va, » dit Elsa, « c'est promis. » Le lendemain, à 6 heures, elle était exacte au rendez-vous. Le vieux Blumenthal, en la voyant entrer, lui fit signe de le suivre et l'introduisit dans une espèce de bureau où se tenait un grand jeune homme maigre et brun, à la peau olivâtre et de type sémitique fortement accusé. « Voilà mon ami Samuel Beldoé Corasso, » dit Blumenthal. « Maintenant, vous deux, causez de vos affaires. »« Vos causa el judeo espagnol ?» fit le jeune homme. « Si, yo soy una mujer del farano, » dit Elsa. « Mais j'ai été élevée en Hollande, » ajouta-t-elle en anglais, « et mon père est de Budapeste. »« Budapeste, » dit le jeune homme en riant. « Bon, parlons en anglais. Vous voulez la perle rose ?» « Combien pour moi ?»« 10, » fit Elsa en levant ses deux mains ouvertes à la hauteur de ses épaules. « Pa, pa, pa, ce n'est pas assez. Si je vous paie 500 la perle, je veux 100 livres. » Le bazarlique continua, une heure durant, interminable. Elsa lâcha prise à 75 livres. « C'est bon, » dit Samuel, « je vais vous donner le battleship. Mais attention, c'est une noire canaille, pas du tout franche du collier, hein ?» « Êtes-vous armé ?»« Oui, » dit Elsa. « Et vous ?» Elle avait sorti un Browning de 9 mm de sa poche. « Pfff !» siffla le jeune homme avec admiration. « Moi, j'ai ça !» Il montrait sur le plat de sa main un gros vieux bulldog à merlès, nickelé, à canon court, une pétoire de bazar avec laquelle on eût raté une vache à 25 pas. Elsa prit l'arme et la soupesa. Plus que le revolver, elle avait regardé la main qui la présentait. Elle sourit et, prompte comme l'éclair, appuyant son Browning sur le ventre du jeune garçon, elle lui dit « Maintenant, avant de trahir ton complice, raconte-moi comment vous avez fait le coup tous les deux. » Chapitre 4. De stupeur, Samuel était retombé assis. « je vous dirai, » fit-il très vite, « baissez ça !» Elsa obéit et s'assit sans lâcher son arme. et, les yeux sur les yeux du jeune coquin, elle attendit qu'il parlât. « Voilà, dit-il, j'ai été employé de la banque. Je savais qu'à la succursale où j'étais, on faisait les affaires le samedi jusqu'à midi. On n'avait plus le temps, à 7 heures, de porter les gages à la banque principale. Jusqu'au lundi, on les gardait dans le sous-sol, enfermés dans le coffre. Je savais aussi qu'il y avait un garde de nuit. Quand on m'a mis injustement à la porte, en m'accusant d'indélicatesse, j'ai dit que je me vengerais. Il y a un an de ça, plus même. Ce n'est qu'une semaine avant le vol que j'ai su que le vieux Willy, le garde-vigile, était à l'hôpital avec le typhus. C'est un ancien camarade de la boîte qui m'a dit ça. Moi, j'étais sur la paille, sans travail, sans un shilling. J'ai pensé à faire un coup et à me venger en même temps. Mais tout seul, je n'osais pas. Alors j'ai parlé à un camarade qui a parlé à Battleship et Battleship a accepté. Le camarade a fait le guet. Battleship et moi, nous sommes montés sur le toit en passant par une cour de l'immeuble voisin. Ça n'a pas été difficile d'ouvrir une lucarne, de passer dans la banque. Là, il y avait l'électricité et Battleship avait apporté une petite scie circulaire à moteur. « Je sais, dit Elsa. Pour ressortir, vous avez fait la courte échelle à Battleship. Et comme la lucarne est placée trop haut pour vous, bien que vous soyez grand, vous avez pris un vieil escabeau pour y atteindre. Vous aviez tous deux les pieds nus, n'est-ce pas ?»« Oui, dit le jeune voleur. Comment vous savez ça ?»« Ensuite, dit Elsa, vous avez casé le diamant. Où ?»« Chez Kominos Aserajan, un gréco-arménien. »« Je le connais. » Ensuite, la perle rose, combien l'avez-vous vendue ? 55 livres, avoua le jeune voleur. Le diamant, 17. Battleship a donné 5 livres aux camarades, 10 à moi. Il en a gardé 57, la sale canaille. Et il nous a rossés tous les deux, le camarade et moi, parce qu'on réclamait. Le camarade a eu 2 dents cassées parce qu'il réclamait le plus fort. Bon, je comprends, dit Elsa. « Où gîte-t-il maintenant le Battleship ?»« À la taverne du Nègre en Pinte. Vous savez ?»« Non, vous allez nous conduire. Oui, n'est-ce pas ?»« Oui, » fit le jeune voleur, blême devant le Browning d'Elsa. En quittant le magasin échoppe du vieux Blumenthal, Elsa leva le bras et siffla les premières mesures du refrain de Tipperary. Alors, 6 hommes qui flânaient, en fumant, les mains dans les poches, la suivirent sans affectation à travers les ruelles et les impasses du Hondich. La nuit était venue et toutes ces voies étroites, obscures, tortueuses, fort mal éclairées, avaient un aspect sinistre. Elsa, dans sa main gauche, fine et dure comme une serre d'acier, tenait le bras droit du jeune homme et, sur le flanc, lui appuyait le canon de son Browning. Ils allaient ainsi, à pas lents comme 2 amoureux, et ceux qui les croisaient, et les filles hagardes au coin des ruelles, et les mégères sordides au seuil des maisons bancales, ou bossues ou ventrues, ne se faisaient pas faute de leur décocher d'immondes plaisanteries, des lazis, des brocards. Chapitre 5. Enfin, ils parvinrent devant la taverne du Nègre en Pinte. C'était une vieille boutique, peinte en vert sombre, aux petits carreaux voilés de rideaux jaunâtres. Avec son plafond de solive, ses 2 gros piliers, son jeu de bec de gaz, ses murs peints en rouge au creux et en brun sombre, ses lourdes tables, ses carreaux de grès jonchés de sablon jaune, elle avait un air assez romantique et peu rassurant. Elsa y pénétra pourtant, d'un cœur ferme, poussant devant elle le jeune Samuel, quasi défaillant. « Il est là, au fond, » balbutia Samuel, « c'est le brun. » Un homme était là, en effet, qui fumait une courte pipe, une brute épaisse, aux yeux noirs, au nez écrasé, à la moustache dure, mal taillée et courte, aux joues rêches de poils non rasés depuis 3 jours. Averti sans doute par un instinct de bête traquée, il tourna la tête vers Elsa et son compagnon. « Hello, boy » dit-il en se dressant à demi. « Qu'est-ce que c'est ?»« Salut, Battleship. C'est pour une affaire, » commença Samuel. « Une affaire ?» De son œil sauvage, rusé, méfiant, l'homme regardait son complice, puis Elsa, puis les 6 hommes entrés derrière la jeune femme. « Oh, God bless me !» dit-il tout à coup. Il plongeait les mains dans ses poches, en tirait deux pistolets et, rué en avant, faisait feu des deux mains par deux fois. Elsa, atteinte au flanc droit et à l'épaule, chancela et tomba, entraînée par Samuel, qui s'écroulait comme une masse. Le jeune voleur avait été tué raide d'une balle qui, entrée par la bouche en brisant les dents, avait perforé la langue et traversé le cervelet. L'un des agents qui accompagnait Elsa tombait, le flanc troué. Mais ses cinq camarades, rués sur le bandit, le colletaient. Il se débattait avec rage et, coiffé comme un sanglier, les deux poignets tenus chacun par un homme, ruait, mordait et finalement se fût échappé si l'un des policemen ne l'avait abattu en lui déchargeant, à toute volée, un coup de matraque plombé sur le crâne. Force restait à la justice et au droit. Mais la victoire coûtait cher. Samuel était mort, aussi mort qu'un gond de porte, selon Dickens. Elsa, très grièvement blessée, perdait son sang à flots. Un policeman avait reçu une balle dans la cuisse, un autre, atrocement mordu au visage, était défiguré à jamais. Mais Battleship était pris. L'affaire, après un tel rebondissement, passionna le public anglais. Jamais une femme policière n'avait montré un tel cran ni un si froid courage. Aussi, à la clinique chirurgicale où on l'avait transportée, Elsa vit-elle affluer les cartes de visite, les fleurs, les fruits. Lady Fagoire, Lady Holder, passaient des journées à son chevet. Enfin, Sir George Mackenzie, l'un des meilleurs chirurgiens de Londres, put répondre de sa vie. Aussi, lorsqu'elle se présenta, 6 semaines plus tard, pour déposer au procès Battleship, fut-elle accueillie par une véritable ovation. Quand elle se retira, sa déposition achevée, une véritable pluie de fleurs s'abattit sur elle. Mais tout ce triomphe n'allait pas pour elle sans une secrète amertume. Elle regrettait la mort brutale de Samuel Beldo et Corasso, et plus encore, celle de la mère du jeune voleur, qui, de désespoir de savoir son fils à jamais déshonoré, s'était empoisonné avec du cyanure de potassium. Inutile peut-être d'ajouter que le verdict des juges fut impitoyable et qu'un matin, le drapeau noir flottant sur une prison apprit à ceux qui passaient par là qu'un homme avait été pendu aux premières lueurs de l'aube. Fin de Battleship.